tête, j'écris pas de mesure, mais des vers pour être honnête, me détrôner. J'ai pas prévu de les laisser faire. Ils espèrent me voir tomber, mais désespèrent et je laisse des marques. Je traite des terres avec les wacks, je suis très sévère. Hip hop crossover, check les skills, move, check la technique. Ta bitch bouge car je suis son gros sauveur. Ils veulent ma peau et tire dans mon dos, mais ils en font trop. Mais moi je m'en bats, j'écris des poésies. Et yo, je suis surpuissant. Que ce soit rime riche ou rime suffisante, je sais que mes rimes claquent toutes vos rimes plates. Et je vois que t'accroches. Encore 3-4 strophes pour que tu vois qu'au mic y'a pas de catastrophe. Et je m'étale au maximum pour mes gars et ma compagnie. Je démarre au carré, il ne faut surtout pas que je déballe trop ma vie. Et c'est racle panique, je ne parle qu'en chanson. Mes paroles anis, mais par la mégalomanie. Hey. Je prends mon cahier et je parle au rap. J'ai toujours froid en dessus, je donne pas mon âme au diable. Déploie mes éléments, vole comme un oiseau rare. Un oiseau rare, un oiseau rare. Hey. Je monte à bord du navire et je me barre au large. Déploie mes éléments, vole comme un oiseau rare. Ils disent que c'est magique, quand ils rythment, c'est poésie. Rythme et poésie, rythme et poésie. Je rappe du vendredi au vendredi. J'écris, vous que j'improvise. Y'a que ça qui me rassasie. Quand j'ai le ventre vide, et je casserai toute la dentition de tout. Les gens qui font tout pour que je perde toutes mes ambitions. Mais je rêve de vendre des disques, alors je prends des risques. Chaque jour je lance des rimes. J'apporte de la fraîcheur à cette musique qui prend des rides. Alors je trime, je taffe mes structures, je les aménage. Et quand je noie mes peines, elles font surface comme si elles savaient nager. Un jour t'auras ma face en poster. J'espère au moins avoir un futur prospère. Je te parle de grands changements parce que je sais qu'il faut le faire. Même les bandits rangent leurs flingues devant des yeux revolvers. Et c'est terrifiant, mec tu peux vérifier. Mes négros en vérifiant, tu verras que la vie est extrêmement difficile et édifiante. Et je règle mes problèmes vite fait à l'aide de poèmes rythmés. Et je connais la galère, j'en viens, mais je me sens bien avec mes alexandrins. Je ferai mon cahier et je parlerai. J'ai toujours froid en Dieu, je donne pas mon âme au diable. Déploie mes éléments, vole comme un oiseau rare. Un oiseau rare, un oiseau rare. Je monte à bord du navire et je me barre au large. Déploie mes éléments, vole comme un oiseau rare. Ils disent que c'est magique, quand ils rythment, c'est poésie. Rythme et poésie.